jamais de frisson dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. Réel déqualifié, c'est carré comme le sexe tarifé. Je connais les rouages, les modalités. Tellement d'oseille, je fais des mondanités. Arrêtez donc toute cette bestialité. C'est des youtubeurs, des dessins animés. Cassez-vous le cul pour qu'ils puissent hériter et qu'ils puissent se déchirer comme les Hallyday. Je suis dans cette merde, tu peux l'examiner. Tu le vois, ta mère transmet mes amitiés. Je fais grimper le cachet, c'est ma spécialité. J'ai pas d'autres qualités, je ne sais pas câliner. Planche à billets et la mentalité. Pas le temps de vaillir, j'étais en bas hier. Mon flow vanillé va les envahir. Je vais finir par comploter en Bavière, frère. Demain, je monte mon label. En Lettonie, je m'appelle quand même la Casa des Papels. C'est tous des Tony, derrière le chromie. Ça joue les Tony, ça gratte les APL. Pas de Clyde et Bonnie, le jour de la SACEM. Tous au château en peignoir de PN. Devant un gros bif, je ne suis pas le même. Regarde dans le vide, j'ai sourire de BN. Je cherche la paix, le calme et la sagesse. Mais j'ai pulsion meurtrière passagère. Frérot, renvoie ton canif, ta machette. On peut tous aimer, je l'ai vu sur la tablette. Je refuse d'être mauvais, pour ça je fais des efforts. Je refuse d'être pauvre, pour ça je vais péter le score. C'est pas venu d'un coup, gros, j'ai répété fort. J'ai plus fait mes devoirs, j'ai moins traîné dehors. J'connais ma mission, plus jamais je son dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson dans l'addition. VALD roule en slip de skunk. J'possède la danse, t'as les hits de funk. Double tarif, on les plie en deux. Ramène ta copine qu'on la pine un peu. On ira la chercher dans un Clio 2. J'arrive en équipe, on les baise, on les quitte. J'repars en esprit, j'les pars en deux spi. Double tarif, double verre de whisky. J'repartirai d'ici que le truc va remplir. Ramène la recul du cousin des Antilles. J't'avais déjà dit qu'on n'est pas des gentils. Quand j'suis défoncé, j'peux parler tchèque. J'vais à Zanzibar ou à Charmel tchèque. Double tarif, faut ramasser des chèques. Les sicarios t'écarteront les fesses. Et les sicarios t'écarteront les fesses. J'me roule un gros joint pur de qualité. J'esquive les voitures toutes banalisées. Là j'suis en vacances demain dans les cités. Ramène ton oreille que je la dépucelle. J'fonce à Bruxelles, c'est pas des pucelles. J'écoute du Jacques Brel et j'bois du Jack Miel. J'suis dans mon cartel, j'vais gracher Kamel. J'écoute du Jacques Brel et j'bois du Jack Miel. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'transforme les K en N, j'effrite le 40 bar. J'transforme les K en M, dans les poches ça rentre pas. J'repense à l'ancienne, y'avait pas de Samantha. Sur ma peau vraiment peine, sa vieille chatte attendra. J'transforme la gamme en verre, deux trois verres de Jagda. Quand j'suis dans ma frappe, j'ai cassé Cassandra. La tête nous attendra, à 6h30 en bas. Tout l'argent que j'ai compté, prévient tout à compta. Ça piquera à côté, la résine d'un coca. J'transforme la cam en verre, deux trois verres de Jagda. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais frisson dans l'addition. J'connais ma mission, plus jamais de frisson devant l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson devant l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson devant l'addition. Je connais ma mission, plus jamais de frisson devant l'addition.